Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la loi dite Martrichard ou la fin des maisons closes en 1946. Le 4 septembre 2018, la députée La République En Marche Valérie Gomez-Bassac provoquait le débat. Elle proposait en effet de rouvrir les maisons closes pour assurer aux prostituées les règles les plus élémentaires d'hygiène et de sécurité, je la cite. Une proposition qu'a pu inspirer la mort de Vanessa Campos, une prostituée trans, tuée par balle le 30 août de la même année alors qu'elle travaillait au Bois de Boulogne. Un drame qui remet aussi l'interdiction des maisons closes sur le devant de la scène. Votée dans l'après-guerre, cette loi met alors un terme à un système qui datait de 1804. La loi dite Martrichard, selon l'appellation officielle, ne porte pas en fait le nom du parlementaire qui l'a proposé, mais celui d'une femme que rien ne prédisposait à devenir l'emblème de la fin des maisons de tolérance. Retour donc sur un destin romanesque, celui de Martrichard, et sur la loi controversée qui porte son nom. Notre invitée aujourd'hui, Emma Becker, écrivaine et autrice du livre « La maison », édité chez Flammarion, qui raconte sa vie en maison close à Berlin, où elle a travaillé 2 ans et demi comme prostituée. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Mayer, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet, Hélène Visio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. On appelait ces maisons-là des petites bottines, des maisons telliers, chez les filles, chez ces demoiselles, etc. L'ensemble de la population disait bordel, boxon, lupanard, claque, etc. Quand les gens en parlaient, ils en parlaient en riant. Mais c'est tout. Tout le monde se défendait d'y aller, hein. Maison de tolérance, dit le règlement de police qui légalise les maisons closes le 12 octobre 1804 sur ordre de Napoléon. Depuis lors, l'État tolère, donc, et même encadre ces établissements. Encartés, numérotés, les filles sont affublées d'un matricule. Ce sont les soumises, par opposition aux insoumises ou clandestines qui battent le trottoir. La brigade des mœurs s'occupe alors de l'ouverture, de la fermeture et du contrôle des bordels. Pour les autorités bourgeoises, il s'agit de cacher les prostituées membres des classes dangereuses pour préserver la morale et protéger la société. Localiser le vice, le circonscrire, le masquer. Au début du XXe siècle, la France compte près de 1400 établissements reconnus officiellement, dont 177 à Paris. Parmi eux, on trouve des maisons de luxe, des maisons moyennes et des maisons dites, enfin on peut le dire comme ça, d'abattage. Les maisons de luxe, ce sont celles qui ont souvent nourri l'imaginaire des peintres et des écrivains. Madame Coste à Marseille, l'Élysée à Toulouse, le Palais Oriental à Reims, le Chabanais, le Sphinx, le Wantoutou à Paris. Le client, homme d'affaires, politique ou héritier, le prince de Galles avait ses habitudes au Chabanais, y trouve des femmes à l'esprit ouvert, avec de belles toilettes et de l'éducation. Au Wantoutou, 122 rue de Provence à Paris, on compte 22 chambres thématiques. Il y a la romantique, la provençale, l'indienne. Il y a même un wagon de l'Orient Express, première classe, évidemment, sifflet de locomotive compris. Pour les hommes, ce sont des lieux de plaisir, mais aussi de sociabilité. Oui, on fume, on boit, on papote. La chanteuse Miss Tinguette vient rendre visite et Edith Piaf prend même une chambre à l'Étoile de Kléber pendant 6 mois. Des clichés romantiques qui feraient presque rêver, mais surtout des clichés qui occultent la réalité. Les filles de joie ne le sont pas toujours, joyeuses, tant s'en faut. Femmes divorcées, filles mères, paysannes pauvres, elles doivent accepter les pratiques, humiliations et sévices qu'on leur impose. Dans les maisons moyennes, comme dans les maisons de luxe, elles sont maintenues dans une spirale d'endettement par le tenancière et tenancier à qui elles achètent cher les draps, les vêtements et les repas, sans compter une commission sur la passe, bien sûr. Magnifiquement vêtues ou en guenilles, les prostituées sont rarement riches, toujours pauvres. À Paris comme ailleurs, elles sortent peu, voire pas, et toujours accompagnées. Dans les modestes maisons de région, la vie est surtout routinière, abrutissante d'ennui. Un jeune homme par-ci, un curé par-là, et de l'alcool, souvent, dont la consommation est surveillée, mais encouragée. Et c'est sans parler des maisons d'abattage, des bouges sordides au nom trompeur, le panier fleuri ou le moulin galant à Paris. Les michetons, les clients qui payent 2,50 francs pour 3 minutes, font la queue dans l'escalier. Alors, les femmes enchaînent, parfois 60, 80 clients par jour, dans des chambres immondes. On ne change pas les draps, on ne lave pas les serviettes. Des travailleuses au corps usé, aussi pauvres que leurs clients, ouvriers, étrangers. Des femmes de peu pour des hommes de peu. Des prolétaires avec des prolétaires, considèrent les autorités, qui tolèrent ces maisons d'abattage. Aux prostituées officielles de maisons closes s'ajoutent les milliers de prostituées de la rue, des femmes aux surnoms charmants et aux prénoms Casque d'or, Divine, Belle Cuisse, Olympia, Elena, Eva. Parmi elles, Marthe Bettenfeld. Au début du XXe siècle, jeune prostituée nancéenne, elle ne le sait pas encore, mais elle deviendra bientôt Marthe Richard. Et elle donnera son nom à une loi qui changera le visage de la France et la vie de milliers de femmes. Voilà, avec Jean Million qui vient me rejoindre. Bonjour Jean. Bonjour, on va parler aujourd'hui de quelqu'un que tout le monde connaît, Madame Marthe Richard. Alors, Marthe Richard, qui s'appelait au départ, je crois, Marthe Richard, est née à Blamont. Elle est née à Blamont dans la famille Bettenfeld. Le père est ouvrier brasseur, mais il a un défaut, le père. Il fréquente les maisons particulières et il dépense pas mal d'argent. Les maisons closes, disons-le. Oui. Et nous arrivons donc à Nancy, où la jeune fille grandit, devient une très belle jeune fille jusqu'à l'âge de 13 ans, elle ne supporte pas d'être, disons, tenue en laisse. Alors elle veut goûter un petit peu à la liberté. Bon, ben elle repart. Là, elle va connaître un certain Antonio qui va plus tard la pousser dans une voie un petit peu spéciale. Mais enfin, ça, elle ne s'est pas trop étendue là-dessus. Alors je ne veux pas trop m'étendre non plus. En 1904, Marthe Bettenfeld, 15 ans, commence donc à se prostituer. Nancy, ville de garnison, est aussi une ville de plaisir où pullulent les bordels à soldats, comme on dit alors. 13 000 militaires et autant de clients potentiels pour la jeune Marthe, qui a des rêves plein la tête. L'amour, l'aventure, la liberté. Dans la vraie vie, elle a 50 clients par jour. De quoi porter les germes d'une armée en campagne. De fait, elle contracte la syphilis. Or, depuis 1902, une circulaire du ministre de la Guerre oblige les soldats à dénoncer les femmes porteuses de maladies vénériennes. Car la syphilis, la blénorragie, le chancre mou, sont alors des questions militaires. Près de 7% des soldats en sont affectés et donc immobilisés pendant des semaines, ce qui représente des pertes considérables pour l'armée. Marthe est donc signalée, arrêtée et inscrite sur le fichier national des prostituées. Marthe Bettenfeld, 16 ans, numéro 640. Les clients, eux, ne sont contraints à rien, ni fichage, ni contrôle médical. Mais un jour, dans la maison close parisienne où la jeune femme travaille désormais, l'un de ses clients va changer sa vie. Ça paraît impensable, mais c'est vrai, le vrai conte de fées. C'est-à-dire qu'elle est tombée sur le client qui va l'épouser. Qui est plus vieux qu'elle, qui a 10 ans de plus qu'elle, mais qui va l'épouser. Et là, elle va être introduite dans la bonne société de province. Et elle va parfaitement s'adapter, parce que c'est un vrai caméléon, cette femme. Elle a eu des tas de vies et elle s'est à chaque fois adaptée. Et puis, grâce à lui, donc, elle va découvrir l'aviation. Et ça, c'est quelque chose de vraiment une passion pour elle. Il y aura avant la guerre que 13 femmes au monde qui ont leur brevet de pilote. Et parmi ces 13 femmes, Marthe Richard. Décennie 1910, Marthe Richard est maintenant une bourgeoise respectable, femme d'industriel. Voilà, ça aurait pu être la fin de l'histoire. Mais la Première Guerre mondiale en décidera autrement. Pour l'ancienne prostituée, toujours fichée par la police malgré ses tentatives de radiation, c'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre controversé sur lequel des doutes planent encore aujourd'hui. Car Marthe Richard, dans ses mémoires, se dit agent double, maîtresse d'un haut responsable allemand et adversaire de Matahari. À la lire, elle aurait presque sauvé la France. Une réalité romancée que les historiens contestent, mais qui fait de Marthe Richard une icône dans la France des années 30. Nommée chevalier de la Légion d'honneur en 1933, elle enchaîne interviews et conférences pour raconter, à sa manière bien sûr, son destin de femme libre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, veuve d'un second mari, Marthe Richard se rêve en résistante. Une période trouble, encore une fois. Oh, Elle a bien une carte de membre du mouvement de libération nationale. Elle a hébergé deux aviateurs américains en 1944. Oui, mais très peu de preuves soutiennent sa participation réelle à la résistance. Par ailleurs, des rapports de police rapportent des parties fines organisées chez elle dans le 16e arrondissement avec des hauts gradés allemands. Alors, Marthe Richard collabo ? Truande, en tout cas. Elle vend de faux certificats de résistance et sera condamnée pour escroquerie. Son complice, Louis Edenberger, lui, était employé de la Gestapo. Ça fait beaucoup quand même. Une collaboration festive et financière avec les Allemands qui rappelle celle des tenanciers de maisons de tolérance, justement. Car dans la plupart des villes occupées, les tauliers de bordel accueillent les nazis à bras ouverts. À Paris, le Sphinx, le Chabanet, le One Two Two, parmi 30 autres maisons réquisitionnées par la Wehrmacht, deviennent ainsi la deuxième maison des SS. Non seulement les bordels français sont envahis de soldats allemands, de collabos et de voyous en tout genre, mais le régime de Vichy favorise officiellement les tenanciers de maisons closes, comme l'explique l'historien Claude Roubois. Vichy déploie un tapis rouge sous les pieds des tenanciers, et nous verrons pourquoi. En effet, l'année suivante, en décembre 41, il y a une loi, cette fois, proposée par Pucheux, ministre de l'Intérieur, qui assimile les recettes des maisons closes aux spectacles de troisième catégorie, c'est-à-dire les courses de chevaux, les courses cyclistes, les courses automobiles, etc. Et jamais une corporation n'a apprécié de payer un impôt autant que les tenanciers, parce que c'était une reconnaissance officielle. Mais le bouquet final, c'est en mars 42, où les patrons de bordel sont admis dans le comité interprofessionnel de l'industrie hôtelière. Voilà donc les patrons de maisons closes reconnus officiellement comme d'honnêtes commerçants. Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appels des filles de joie, les appels des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles, parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolles, parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel, les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie, elles fassent l'amour, bien que toute la vie, elles fassent l'amour, qu'elles se marient 20 fois par jour, qu'elles se marient 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles. À la Libération, Marthe Richard, l'ancienne prostituée des bordels de Nancy, est donc tout à la fois grande bourgeoise, aviatrice, espionne, trafiquante, résistante et collabo. Un passé ambigu qui ne l'empêche pas d'être élue conseillère municipale à Paris avec la mention « Héroïne des deux guerres », oui, sur la liste de l'avocat Léo Hamon, résistant et membre du mouvement républicain populaire. Le catholique MRP, qui compte notamment l'abbé Pierre dans ses rangs, souhaite que Marthe Richard incarne l'un de ses projets phares, la fermeture des maisons closes. Bien, enfin pourquoi Madame Richard? Mais parce que c'est une femme, et une femme très populaire. Après la guerre, les prostituées qui ont couché avec des Allemands, beaucoup donc, ne sont pas tondues. Leur métier ne leur a pas laissé le choix. En revanche, les maisons closes sont devenues le symbole des compromissions entre les nazis, Vichy et la pègre. Elles doivent disparaître. Au désir d'épuration s'ajoute un vent de liberté en faveur des femmes qui obtiennent notamment le droit de vote en 1946. Bref, leur cause commence à être entendue. Si c'est le MRP qui pousse Marthe Richard à se faire porte-parole, ce n'est ni le parti ni la nouvelle conseillère municipale qui ont l'idée de fermer les maisons closes. Non, à l'époque, il existe deux positions en matière de prostitution, réglementer ou interdire. Dans l'après-guerre, la France est encore un pays réglementariste, partisan d'une prostitution encadrée avec des lieux sévèrement contrôlés. Mais cette politique est remise en cause depuis plusieurs décennies par le mouvement abolitionniste, comme le raconte Roger Le Taillanter, ancien de la Brigade Mondaine, dans les dossiers de l'histoire. À l'époque, l'Angleterre avait déjà interdit, fermé les maisons de tolérance. L'Allemagne, la Suède et le Danemark aussi. En France même, dans la région de l'Est, Strasbourg, Mulhouse et Nancy même, je crois aussi, avaient, sous l'autorité du maire, pris l'initiative de fermer ces maisons de tolérance. Il y avait un courant abolitionniste qui existait, qui était né en Angleterre d'ailleurs en 1870 avec la femme d'un pasteur qui s'appelait Butler, je crois. Et ce mouvement abolitionniste ne cessait de gagner du terrain partout. L'Union peut se réaliser encore mieux dans la lutte pour le bonheur, à condition de montrer à toutes celles qui souffrent que cette lutte est possible et qu'elle peut être féconde. Pourquoi? Parce que bon, ses ambitions étaient nobles. Il envisageait de faire disparaître la prostitution et en même temps de tuer le proxénétisme. C'est toujours l'objectif aujourd'hui d'ailleurs. Pour les abolitionnistes, l'État ne doit pas soutenir la prostitution ni en autorisant les maisons de tolérance, ni en protégeant leurs privilèges, ni en les taxant. Marthe Richard, soutenue par la branche française de la Fédération abolitionniste, qui lui fournit documentation et conseils, s'engage corps et âme dans la mission que lui a confiée le MRP. En 1945, elle n'hésite pas à aller visiter des maisons closes, elle qui les a fréquentées par le passé. Et elle témoigne. Vous avez été amené à visiter des maisons. Oui, il y en avait 120 à Paris, mais nous n'avons visité que quelques-unes avec deux agents que M. Luizet m'avait confié. M. Luizet était le préfet de police. Préfet de police. Oui. Et quelle était l'atmosphère qui régnait à l'intérieur de ces maisons? Mon Dieu, il y avait des maisons qui étaient très bien, comme le One Tutu, le Chabanais, c'était des maisons magnifique, on s'y serait plus là-dedans. Mais véritablement, il y avait des maisons qui étaient ce qu'ils appelaient la maison d'abattage. Alors là, il y en a une de célèbre mémoire, c'est le Fourcy. Le Fourcy, il y en avait une aussi là, au boulevard Barbès. Combien de clients les femmes devaient-elles supporter par jour? Je ne sais pas, d'après mon enquête que j'ai faite dans les maisons, la personne que j'ai questionnée m'a dit compter les pièces de 2 francs et de 5 francs qu'elle avait dans son tiroir. C'était le pourboire qu'elle recevait, probablement. Elle m'a dit 82 ce jour-là. Notre conseillère municipale, devenue dame respectable de 56 ans, tailleur et mise en plis, fait semblant de ne rien savoir des maisons closes. Pourtant, encore à l'époque, nous sommes juste après la Seconde Guerre, elle est proche de ces milieux par le biais de plusieurs amis. Parmi eux, Paul Nem, l'homme qui partage alors sa vie. Un voyou, compromis dans les affaires de prostitution et lui-même ancien gérant d'un établissement à Paris. Lorsque Marthe Richard se lance dans la lutte pour la fermeture des maisons closes, eh bien lui s'engage contre. La conseillère municipale et le gangster divisé finissent par se séparer. En cette fin d'année 1945, la France aussi est divisée par la proposition de Marthe Richard. La presse va jusqu'à annoncer une troisième guerre, une nouvelle affaire Dreyfus. Dans le clan de ceux qui veulent garder ouvertes les maisons closes, on trouve les tauliers et les prostituées qui cherchent à protéger leur business. Mais aussi, plus étonnant, la police. Mais oui, Car depuis toujours, les maisons de tolérance où se croisent gangsters et hommes politiques sont des sources de renseignements précieuses. La police a besoin de la mafia des tenanciers. Alors, à la veille du conseil municipal, Marthe Richard a des doutes. Elle écrit et réécrit son discours d'après les indications de son parti et de la fédération abolitionniste. Et si, comme ce fut le cas en 1903, en 1920 et en 1936, la campagne en faveur de la fermeture des maisons closes n'aboutissait pas. À la fin de notre dernière séance, j'ai annoncé le sujet qui serait traité ce soir. J'ai demandé aux personnes qu'il pourrait choquer de ne pas prendre l'écoute. Je réitère cette demande pour éviter toute surprise et tout reproche ultérieur. Nous allons parler de la prostitution. C'est un sujet grave et que trop de préjugés empêchent d'aborder au grand jour, alors que cependant sa gravité et celle de tout ce qui s'y rattache tiennent peut-être en partie au mystère dont on l'entoure, au manque d'information, au défaut d'éducation sur tout ce qui a trait à l'amour physique. Le problème de la prostitution doit être traité de façon d'autant plus scientifique que, parmi les spécialistes même, l'accord est loin d'être réalisé. Le jeudi 13 décembre 1945, un peu angoissé par cette première intervention publique au conseil municipal, Marthe Richard boit un petit verre de rhum pour se donner du courage avant de se lancer à la tribune. Dans le public, il y a là quelques tenanciers de maisons de tolérance, des prostituées, des voyous en costume, mais aussi Charles Luizet, le préfet de police de Paris. Et tous l'attendent au tournant. C'est à lui, au préfet, que Marthe Richard s'adresse. Car à l'issue des débats, il devra prendre une décision qui changera à Paris. Fermer ou pas les 190 maisons de tolérance de la capitale. Finalement, la conseillère municipale est plutôt à l'aise. Après tout, l'ancienne espionne est une habituée des conférences et son discours est en béton. Les dossiers de l'histoire ont proposé une reconstitution en 1998 sur France 3. Mesdames, messieurs, mes chers collègues, le moment est venu de s'engager dans la voie de la propreté et du progrès moral. Il faut commencer par extirper le mal à la racine et renoncer au système de la débauche organisée et patentée. Viendra ensuite le nettoyage de la rue et du trottoir. Il est temps de lutter contre l'exploitation commerciale de la prostitution. Les femmes ne sont pas des esclaves. Aujourd'hui, nous les femmes, nous votons. Nous sommes des citoyennes, libérées de toute tutelle, nous avons notre mot à dire. Supprimons les maisons de tolérance. Ainsi que la police des mœurs. Luttons contre le marché des femmes et contre leur exploitation par les rabatteurs et les placeurs autorisés par la préfecture de police. Tolérance zéro pour les maisons de tolérance. À la tribune, Marthe Richard déroule ainsi son argumentation. La collaboration des tenanciers, pourvoyeurs de la Gestapo, la montée de la délinquance à Paris, les maladies vénériennes. Et puis elle en appelle à Jean Jaurès et dénonce la précarité des travailleurs. Mais elle s'adresse aussi aux moralistes en parlant d'ébauche et de nettoyage. Ces propositions comprennent la fermeture des maisons de tolérance donc, mais aussi l'intensification de la lutte contre les maladies vénériennes à travers l'éducation de la population et la création de centres de reclassement pour les anciennes prostituées. Le 17 décembre 1945, le vote du conseil municipal est sans ambiguïté. 69 voix pour, une contre. Une date est fixée, le 15 mars 1946. Ça veut dire que d'ici 3 mois, les 190 maisons de tolérance parisiennes devront fermer. La décision est largement applaudie et Marthe Richard gagne le surnom de « veuve qui clôt ». La petite Lorraine, en quête de gloire, prostituée, espionne, résistante, voit maintenant son nom associé et pour toujours à ce fait d'armes que personne ne pourra lui contester. Sa célébrité atteint la France entière, d'autant que le débat devient rapidement national. Au début de l'année 1946, le député MRP Pierre Domingeon, soutenu par le ministre de la Santé, Robert Prigent, dépose une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour généraliser les mesures défendues par Marthe Richard. Il s'en souvient 52 ans après. Je me suis rendu compte intuitivement que je m'attaquais à quelque chose d'énorme. Au point de vue financier, c'était énorme. Si j'alertais les tenanciers de maisons closes 6 mois avant la loi, ils avaient tout à fait la possibilité de l'empêcher de passer. Est-ce que vous avez rencontré Marthe Richard à l'époque ? Non, ni avant, ni pendant, ni après. Et vous aviez entendu parler d'elle quand même ? Peut-être, oui, si je dois. Je crois que j'en avais entendu parler. Il n'y a pas de loi Marthe Richard d'abord, il n'y a même jamais eu de projet de loi Marthe Richard. Il y a eu mon projet de loi, ma proposition de loi, que le gouvernement a transformé en projet de loi et qui a été voté. Le 13 avril 1946, seuls 40 députés sur 400 se déplacent, mais la loi est votée. Comme on l'a entendu, son initiateur, Pierre Domingeon, n'est pas très sûr d'avoir entendu parler de Marthe Richard. Mais l'appellation officielle de la loi reconnaît, elle, l'inspiratrice, loi dite Marthe Richard, tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme. Et tant pis pour M. Domingeon. Les tenanciers de maisons closes, eux, sont furieux. Ils préviennent. Avec la fermeture des maisons, c'est le retour du vice dans la rue. Gare aux pervers, aux violeurs et aux pédophiles. Fabienne Jamais, tenancière du One Two Two, dira même « Nous interdire, c'était supprimer la sécurité sociale ». 6 mois donc pour fermer les maisons closes. 6 mois pour en profiter aussi. Et pour les clients, place à la nostalgie. Maurice Reims, commissaire-priseur chargé de la vente du mobilier des maisons de luxe, se souvient. Une fois, deux fois, trois fois, personne ne dit mieux. Adjugé. Ah oui, je trouvais que c'était une assez mauvaise action de ma part. Wow. Autant j'étais ravi de disperser l'immobilier des grandes maisons italiennes ou françaises, autant disperser l'immobilier de ces maisons secrètes et qui avaient connu ou donné un petit peu de bonheur à des êtres humains, j'aimais pas tellement ça au fond. Le mobilier de la rue des Moulins était marqué par l'érotisme. Il fallait vendre des dames, il fallait vendre de la chair, il fallait vendre de l'émotion. Lors des ventes aux enchères, les badauds viennent voir des lits en bois sculptés, les statues cariatides, le mobilier chinois et les bidets. Des fouets à manches de velours rouge sont vendus 1600 francs pièce. La baignoire, dans laquelle le prince des Galles aurait pris un bain de champagne, part pour 110 500 francs. Bon, on oublie les maisons d'abattage, leurs lits en drap et les filles en guenilles. Et le 6 novembre 1946, enfin, c'est la fermeture définitive pour 1400 établissements en France. Le bordel légal, autorisé par l'État et contrôlé par la police depuis 1804, n'est plus. Et près de 20 000 femmes se retrouvent à la rue. Nous sommes désarmés à l'heure actuelle parce que les mesures sanitaires qui étaient prévues n'ont pas été prises. Nous sommes également très gênés par la loi qui a été votée parce que les maisons de reclassement dans lesquelles l'on doit mettre les prostituées qu'ils voudront bien en vue de leur reclassement coûteront de l'argent. Or, la loi n'a prévu aucun crédit pour alimenter ces maisons. Par conséquent, nous sommes devant ce problème, c'est que d'une part, nous n'avons pas de crédit pour soigner, contrôler les femmes anciennes prostituées, tolérées et qui pourront être malades, et nous n'avons pas de crédit pour mettre en marche les maisons qui seront appelées à les reclasser. Le docteur Ojaleux, qu'on vient d'entendre dans une émission de 1946, s'inquiète. La loi dite Marthe Richard prévoit bien des centres d'accueil et de reclassement pour aider les prostituées à se reconvertir, mais l'État ne fournit pas les moyens financiers nécessaires. Alors dans les faits, la grande majorité des soumises, les femmes qui travaillent en maison de tolérance, viennent grossir les rangs des clandestines, des prostituées qui, elles, officient dans la rue. D'autres partent pour les colonies où la loi ne s'applique pas, ou dans des pays européens encore réglementaristes comme la Belgique ou les Pays-Bas. Certaines, ou très peu, vont travailler à l'usine, à l'atelier ou dans les cafés. Quant aux tenanciers de maisons closes, alors eux se reconvertissent sans difficulté, comme l'explique le romancier Alphonse Boudard. Ça n'a pas été très grave pour l'ensemble de la corporation des proxénètes. Ils se sont tout de suite très vite reconvertis avec les hôtels de passe. et ils n'ont pas perdu d'argent. Au contraire, ils ont été moins contrôlés parce que dans les maisons, il y avait les impôts qui arrivaient sur eux et qui, en principe, sur les bénéfices, prenaient jusqu'à, je ne sais plus, ça atteignait 60%, ce qui faisait de l'État le premier proxénète de France. Alors là, ils sont un peu débrouillés avec toutes les maisons de... Les hôtels, et puis aussi la police a toléré des clandés pour avoir des renseignements. C'est quoi un clandé ? Un clandé, un clandestin. C'est-à-dire des maisons qui étaient véritablement des petits bordels dans des immeubles et qui fonctionnaient avec l'autorisation, on appelle ça un condé dans l'argot, de la police. Alors, la police avait des renseignements, avait du fric, avait tout ce qu'il lui fallait là avec les clandés. Les clandés, les hôtels de passe clandestins. Ils se concentrent essentiellement aux alentours des casernes militaires françaises et américaines, ainsi que dans les grandes villes. Il y en aurait 500 répartis sur tout le territoire. Ces clandés, on les appelle aussi maisons de rendez-vous, hôtels meublés, salons de massage, établissements de bains et même agences matrimoniales. Autant d'euphémismes qui masquent mal des réalités plus ou moins sordides. Les femmes dans les clandés, sur le trottoir, ne sont pas plus libres que dans les maisons closes et les proxénètes par moins motivés. Avec la clandestinité, s'en est fini les contrôles médicaux obligatoires pour les prostituées encartées. Même si la pénicilline se diffuse au cours des années 40, la fin des maisons coïncide avec une recrudescence des maladies vénériennes. Alors, si la loi du 13 avril 1946 était une erreur, la fin des maisons closes, était-ce vraiment la bonne voie, la seule voie? Et à qui la faute? Certains répondent Marthe Richard, bien qu'elle ne soit ni l'instigatrice ni la théoricienne de la loi. Car la personnalité trouble de la conseillère municipale commence à déranger. D'abord parce qu'elle est sous le coup de deux affaires, escroquerie et élection illégale. En effet, depuis son mariage avec un Britannique en 1926, Marthe Richard n'est pas française. Ensuite, alors que son passé de prostituée ressurgit, on lui reproche son hypocrisie. Une Marie couche-toi là qui fait la pudeur. C'est une incohérence absolue. Et sa carrière politique prend fin. Mise à l'écart d'un monde qu'elle venait à peine de pénétrer, l'ancienne conseillère poursuit sa carrière de conférencière. Elle y raconte à l'envi son passé romancé d'espionne, mais aussi les persécutions dont elle dit être l'objet. Sa condamnation pour escroquerie, preuve que la police et certains politiciens lui en veulent parce qu'elle a mis fin à leur magouille. On aurait même essayé de la tuer dans le métro. La médiatisation de Marthe Richard agace ses incohérences et sa gloriole également. Alors on mélange tout, sa personnalité singulière, ses impostures présumées, la fermeture des maisons closes. D'autant que Marthe Richard également semble perdue dans sa propre histoire, ses petits arrangements avec la vérité. En 1973, un mouvement de prostituées mené par Jacqueline Trappler propose l'ouverture de maisons closes sous l'appellation Hero Center. Au JT 20h, Marthe Richard revient sur ses positions. Puisqu'on ne peut pas empêcher la prostitution, elle existe depuis tout le temps, alors puisqu'il y en faut, mettons pour le moindre mal. Et ça, c'est le moindre mal. C'est mieux que de voir les femmes dans les rues. Et maintenant, les maisons, si je demande qu'on rouvre des maisons, je suis d'accord avec madame. Et je suis persuadé que là, il y aura aussi un docteur et tout ce qu'il faut pour donner des soins à l'occasion. Voilà pourquoi il faut modifier certaines lois. Et voilà pourquoi je vous ai contacté. Et oui, et vous les avez fait fermer à moins de les faire ouvrir, mais c'est pas facile, hein. J'ouvre, je ferme, je rouvre, je referme. La fermeture des maisons de tolérance en 1946 est donc loin de clore les débats en matière de prostitution. Au fil des ans et des politiques, les projets des rouvertures des maisons closes ne vont cesser de ressurgir. Dans les années 70, pour la première fois, les prostituées vont faire leur apparition dans le débat public et incarner leur propre voix. Certaines s'élèveront alors contre la fermeture des maisons closes. Toutes demanderont la reconnaissance sociale et administrative d'un métier qui dérange. Marthe Richard, elle, restera celle qui a donné son nom à la loi. Une femme controversée qui fait de sa vie un roman, tout en luttant à sa façon contre l'asservissement des femmes. Au 56, 7, 8, peu importe, de la rue X, si vous frappez... seul et parfois même accompagné. Une servante, sans vous dire un mot, vous précède. Des escaliers, des couloirs sans fin se succèdent, décorés de bronze baroque, d'anges dorés, d'Aphrodite et de Salomé. S'il est libre, dites que vous voulez le 44. C'est la chambre qu'ils appellent ici de Cléopâtre, dont les colonnes du lit de style rococo sont des nègres portant des flambeaux. Entre ces esclaves nus, taillés dans l'ébène, qui seront les témoins muets de cette scène, tandis que là-haut un miroir nous réfléchit. Lentement, j'enlace mélodie. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Marthe Richard et le destin des maisons closes. Notre invitée aujourd'hui, Emma Becker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine, vous vivez à Berlin, donc merci d'être passée de voir jusque-là, jusqu'à Paris. Et vous êtes surtout l'auteur du livre « La maison » que je tiens entre les mains, publié chez Flammarion en 2019. Vous avez 2 ans durant travaillé dans une maison close à Berlin en tant que prostituée, afin de saisir, dites-vous, les réalités de ce métier de prostituée au point d'en devenir une pute qui écrit, dites-vous, pour donner une voix aux prostituées. Le résultat en sera donc ce livre, La Maison, un véritable phénomène avec 40 000 exemplaires vendus et 3 distinctions, prix Blue Jean-Marc Roberts, prix Roman News et prix Roman des étudiants France Culture, Télérama, et d'excellentes critiques, comme notamment, et à titre d'exemple, dans Le Masque et la Plume de France Inter. À la sortie de votre livre, vous avez donné des interviews à France Culture, France Inter, dans le journal Le Monde, dans beaucoup de journaux, pour répondre à cette question qu'on vous posait immanquablement, pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce travail et cette écriture. Vous avez donné plusieurs réponses, je vais en lire juste 3, si vous voulez bien. C'est la toute-puissance érotique de la femme qui m'a attiré, sa toute-puissance sexuelle avec tout ce que cela suppose. J'avais envie d'être cette créature puissante, capable de mettre un monde à genoux. Deuxième réponse, je crois que la différence entre une femme et une pute n'existe pas. Il n'y a pas plus de séparation entre le corps et l'esprit pour une prostituée que pour une femme mariée depuis 40 ans. Et troisième réponse, celle-ci dans Le Monde, j'ai écrit La Maison pour faire des putes des héroïnes. Eh bien moi, vous voyez-vous, je lis à travers vos lignes, Emma Baker, je lis qu'une prostituée, c'est une femme qui est payée pour être femme. Je me trompe ? Bah, c'est ce que d'ailleurs j'ai dit dans mon livre. Je schématise peut-être un petit peu en disant ça, mais c'est oui. C'est pour ça que j'ai donné les trois autres réponses pour étayer la formule. Finalement, j'avais l'impression de faire mon métier de femme entre guillemets dans ce qu'on a voulu me dire de ma sexualité, ce qu'on a voulu que j'en fasse, et j'essayais justement de jouer un peu avec ces codes. Et c'était aussi une expérience personnelle justement sur ce qu'est la féminité aujourd'hui. Comment la vie ? Alors, vous racontez en fait deux histoires, hein, dans deux bordels, on appelle ça comme ça, deux rapports au sexe et deux mondes très différents finalement. Le premier, le manège est hyper glauque, hein, terrible, racontez-nous le manège. Oui, bah le manège... Rapidement, parce qu'on passera plus de temps sur la maison. Oui, oui, non, mais c'est un établissement très élégant, justement, où je me suis dit, bon, bah, ça peut être une bonne maison pour moi, et qui en fait, voilà, était tenue par des Albanais qui considéraient les femmes vraiment comme des morceaux de viande, et c'était pas du tout un endroit pour qui que ce soit, et en tout cas certainement pas pour moi à ce moment-là. Bon. Alors, l'autre s'appelle La Maison, le décor est différent, l'atmosphère est différente, la démarche est différente, et vous vous sentez mieux. Pourquoi ? Bah peut-être ça avait à voir avec le fait que la patronne était elle-même une ancienne pute qui avait monté cette maison toute seule, enfin voilà, pièce par pièce, et qui connaissait du coup les réalités du métier et ce qu'on peut demander à une femme qui exerce ce métier, ce qui va au-delà du simple métier, parce que c'est un métier qui grignote quand même beaucoup sur la sphère intime. Et oui, je c'est pense... moins qu'on puisse dire. Bah oui, tout à fait, et je pense qu'elle avait très bien compris qu'on peut pas forcer une femme à travailler et qu'il faut pour ce métier beaucoup d'empathie et beaucoup de bienveillance, et je crois que c'était ça la différence fondamentale. Bon, alors je suis très curieux, mais je suis là pour ça également. Comment vous avez fait pour être admise ? Vous êtes arrivée, vous avez frappé à la porte, vous avez dit je cherche un emploi ici ? Oui, plus ou moins. En fait, je suis venue voir à quoi ressemblait l'endroit, et dans le cas de la maison, j'ai eu un entretien avec une dame qui s'occupait justement du recrutement, mais qui n'était pas du tout un entretien pour déterminer quelles étaient nos capacités ou nos inclinaisons, mais plutôt pour nous constituer un profil qui nous décrirait de la manière la plus fidèle possible au client, pour essayer de nous inventer un personnage qui nous correspond. Et qu'est-ce qu'elle vous posait comme question, par exemple ? Bah, quel rapport j'avais, par exemple, avec les hommes, comment est-ce que je me sentais dans la compagnie des hommes ? Enfin, des questions plutôt délicates, quand en fait, elles auraient pu être beaucoup plus brutales que ça. Et c'est un endroit où, pas une seule seconde, je me sentais prostituée. J'avais l'impression d'être vraiment en pleine possession de mes moyens, de ma puissance, de mon pouvoir de décision. Pourquoi vous insistez sur puissance, ma puissance ? Ben ça c'est une problématique qui m'est personnelle, mais cette curiosité que j'ai toujours eue pour les bordels et pour les putes en général, elle vient aussi de tout un pan de la littérature française écrite par des hommes, enfin qui ont un regard très tendre et plein d'admiration. Comme Maupassant, avec Boule de Suif notamment, c'est très tendre Boule de Suif. Et je pense notamment à ce passage, un passage de Nana où vraiment, voilà, cette femme qui sort du caniveau est capable de détruire un monde juste parce qu'elle est belle. Chez Zola comme chez Maupassant. Exactement. Et effectivement. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas qu'un type de client, évidemment. Il y a des profils de clients. On peut les définir ? C'est difficile, il faudrait définir quels sont les types d'hommes. Les groupes, hein, les groupes sociaux en fait, papa. Bah écoutez, voilà, ce qui différencie un client d'un homme, c'est simplement l'argent qu'il donne. Après, évidemment, quand vous faites ce métier, oui, vous avez des catégories de clients. Le bordel que j'ai décrit comme étant bourgeois, et ce qui a créé un malentendu, parce que c'était pas un bordel à l'heure de prix, mais il était bourgeois dans le sens où on avait une grosse clientèle d'hommes mariés, par exemple. Et moi, j'ai découvert une réalité de la clientèle qui n'a rien à voir avec ce qu'on m'en apprenait. Les clients ne sont pas des pervers ou des pauvres types ou vraiment des mecs qui n'ont aucun autre choix. Ce sont des hommes qui, pour une raison ou pour une autre, se sentent seuls et essayent de se rapprocher des femmes. Enfin, je pense que la proportion d'hommes qui ne viennent que pour le plaisir était en fait pas si grande que ce qu'on imagine. Moi, j'ai senti beaucoup de besoin de proximité humaine. On y pratique une sorte de sexe conjugal, finalement? Oui, exactement. Moi, je suis vraiment arrivée là en me disant que ça allait être les 120 journées de soda, mais j'ai été assez déçue parce que c'est vrai que... et c'est d'ailleurs ça que je trouvais très poignant. C'est que finalement, l'homme n'avait qu'une envie, c'était de se trouver dans les bras d'une femme qu'il n'avait pas encore touchée. Et je pense que c'est le cas des mecs mariés en général, pas seulement des clients. L'ivresse, c'était le corps inconnu et la possibilité de l'échec ou de la réussite. Vous aviez le choix du client, vous pouviez dire à votre patronne, celui-là je sens pas. Oui, on pouvait tout à fait dire, pour une raison ou pour une autre, j'ai pas envie, on n'avait pas besoin de se justifier. Après, voilà, si vous voulez travailler, au bout d'un moment, vous pouvez pas non plus, c'est un peu le but du métier, vous pouvez pas dire non à tout le monde, mais il y avait cette possibilité qui, pour moi, est vraiment cruciale, de ne pas avoir besoin de se justifier sur le dégoût, la répulsion, ou l'antipathie qu'un homme nous évoquait. Dans une volonté de ne pas nous forcer à surjouer un rôle qui finit par devenir quand même un petit peu nous aussi. Preniez-vous du plaisir ? Ben ça nous arrivait, oui, bien sûr. C'est d'ailleurs le premier endroit où j'ai entendu mes collègues sortir des chambres en disant qu'elles avaient joui ou en se plaignant de n'avoir pas joui. Et c'est vrai qu'on s'y attendait pas du... Enfin, que moi, je m'y attendais pas du tout, venant du pays dans lequel je viens, avec la vie qu'on a en France sur la prostitution. Il me semblait complètement incroyable qu'une prostituée puisse jouir. Et puis, en fait, quand on réfléchit, ça reste deux corps qui se rencontrent. Et deux corps qui se rencontrent, au bout d'un moment, produisent ou non cette étincelle. Sauf que l'homme, il le sait pas. Pardon ? Sauf que l'homme, il ne sait pas si exactement. La prostituée qui est avec lui prend du plaisir. Parce que si elle n'en prend pas, son rôle aussi est de lui faire croire qu'elle en prend. Mais est-ce que l'homme le sait en général ? Je crois que ce rôle-là que les prostituées jouent est un rôle qui est joué aussi par les femmes dans pas mal de circonstances. Bien sûr. Crois. Quels horaires ? Comment ça marche ? Vous allez au travail, voilà, vous allez au travail. Voilà, mais c'est exactement, c'est une journée de travail. Donc la maison était ouverte de 10h le matin à 23h. Et c'était aussi très important que ce ne soit pas ouvert toute la nuit pour justement ne pas avoir toute cette population de clients qui vient boire et en fait glander pendant des heures. Et les filles ne savent pas du tout, elles vont finir par faire du chiffre. Et ça se constituait par service. Et moi, généralement, je travaillais de 17h à 23h. Et parfois le matin aussi. Mais on pouvait moduler nos horaires comme ça nous plaisait. Et ça faisait combien d'hommes en moyenne par jour de travail? En moyenne, hein, vraiment. En moyenne, je sais pas, je dirais 3-4, plus si vous aviez plus d'énergie, moins si vous aviez pas envie de bosser tant que ça. Quels étaient les rapports avec vos collègues? J'imagine qu'ils sont forts, non? Mais c'était très fort et très très surprenant parce que j'ai constaté que dans ce contexte où le désir des hommes pour nous était un fait acquis puisqu'on était payé pour ça pour être désirable, c'était devenu notre métier. Il y avait plus du tout cette compétition qu'on imagine des femmes entre elles. Il y avait une espèce de solidarité et de bienveillance et de patience et d'empathie des femmes les unes pour les autres qui qui vraiment me prenait à la gorge, que je trouvais absolument merveilleuse parce que ça contredisait tout ce qu'on m'avait dit des femmes jusqu'à présent, à quel point les femmes peuvent être jalouses et mesquines entre elles. Moi, je les trouvais merveilleuses entre elles. Merveilleuses. Le rapport au client et au sexe tarifé ne vous a jamais fait douter du désir et plus encore de l'amour ? Non, parce que finalement cette impression c'était une impression de service rendu. Enfin, c'était vraiment l'homme payait pour un service qu'on lui rendait. Il n'y avait pas de remise en question de l'amour ou du désir. Après, effectivement, à titre personnel, quand le désir et le sexe deviennent votre métier, je sentais une partie de moi qui s'étiolait. C'est évident. Mais après, voilà, c'est un métier et ces femmes-là le pratiquaient comme un métier, donc il n'y avait pas de question d'affect ou d'amour. On en apprend beaucoup plus en lisant votre livre sur le désir féminin que sur le désir masculin. C'est clair. Ah, c'est drôle que vous disiez ça parce moi, que je trouve. Voilà, j'ai pas eu le même son de cloche il y a deux jours à la radio. mais je crois. Que préférez-vous ? J'aime bien le vôtre. Je crois que je parle de mon désir à moi, en fait, de l'expérience que je fais sur mon désir et sur les découvertes que je fais dans ce contexte-là du bordel. Après, je trouve que le désir des hommes, j'en parle beaucoup dans ce livre-là parce que le désir des femmes n'est pas vraiment. C'est pas vraiment la question, quelque part. Les femmes que je décris sont des femmes qui sont en train de travailler. Et il me semble que c'est important de faire cette différence-là et de pas s'imaginer que les putes viennent bosser pour rencontrer leur prince charmant ou pour être sauvées d'elles-mêmes. Les putes viennent pour payer leurs factures. Mmh. Et de fait, c'est le désir des hommes qui est notre matière première. C'est avec ça qu'on travaille. Mais pour autant, il se passe des moments de rencontre et de désir entre une pute et son client qui sont absolument imprévisibles parce qu'on reste quand même des êtres humains. Oui, c'est dans ce sens-là que je disais qu'on a apprenait autant, voire plus, sur le désir des femmes que sur celui des hommes, parce que justement, ça donne lieu à des scènes surprenantes auxquelles on ne pensait pas, qu'on n'imaginait pas. Et... Parce que je pense que c'est important aussi de désacraliser le désir de la femme et ce qu'on y appose, enfin, à quel point la femme ne peut désirer que lorsqu'elle est amoureuse, alors que je pense qu'en fait, les femmes sont formées à être beaucoup plus... Enfin, n'investissent en fait pas autant le sexe que les hommes. C'est les hommes qui ont besoin de croire que le sexe change notre vie, que la pénétration est quelque chose qui nous transcende ou alors qui nous détruit. Je pense que nous sommes très habitués à faire l'amour en pensant à autre chose. Bon, ben moi je pense, là, en ce moment en vous parlant, aux féministes, parce que vous n'avez pas fait des copines hein, des féministes. Oser le féminisme, par exemple, a milité pour l'interdiction de votre venue ici et là, à Grenoble notamment, et a publié un communiqué intitulé « Non à la venue d'Emma Becker à l'université Grenoble ». Alpes, alors un texte au vitriol, pardon, j'aurais mis peut-être des mauvais souvenirs, mais enfin bon, contre, un texte contre, je cite évidemment, un ouvrage, votre livre, qui glamourise et banalise l'achat des femmes et qui légitime les violences masculines, un livre qui encense la prostitution et le système prostitueur auprès du jeune public, un récit alarmant relaté à destination des 18-26 ans et qui invisibilise à dessein la réalité du système prostitutionnel. C'est bourré de néologisme hein, cette affaire-là, mais c'est surtout très violent. Comment, en tant que femme, avez-vous vécu ces critiques? Et en tant qu'écrivaine? Et en tant que féministe, parce que moi je refuse que celle-ci s'arroge le terme de féminisme. Je pense que le féminisme des putes est tout à fait valable. Mmh. Et le fait d'assimiler constamment le sexe à une violence, c'est leur choix, mais ça n'est absolument pas le mien. Je crois que ce malentendu de glamourisation de la prostitution, c'est juste que je fais le choix de parler de la prostitution comme un métier, avec ses hauts, avec ses bas. Mais je crois qu'aujourd'hui, à partir du moment où on parle de prostitution d'une manière qui n'est pas victimaire ou misérabiliste, alors brusquement, ça devient de la glamourisation. Je pense que c'est d'une mauvaise foi absolument terrassante. Et je crois que cette importance énorme qu'elle donne aux hommes et à la pénétration, c'est quand même assez surprenant de la part de féministes, mais ça n'est que mon avis. Et le fait d'être payé n'est pas un acte de soumission pour vous? Pourquoi je ressors payée? Enfin, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie de ressortir pas payée d'un rapport avec un homme qui m'a laissé beaucoup plus salie quelque part. Moi, j'avais l'impression, au contraire, que c'était un rapport totalement équilibré. Et puis, de toute façon, quand j'en ai plus envie, j'ai arrêté aussi. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de penser que les prostituées n'ont pas de choix. Il y a des prostituées, pardon, qui n'ont pas le choix. Sûr, et c'est un drame sûr, parce qu'elles sont réduites en esclavage. Et puis, il y a une autre façon de l'être. Exactement, je suis la première à m'élever contre ça et je pense qu'on a beaucoup à apprendre des prostituées qui choisissent de faire ce métier et c'est elles qui sauveront les autres, celles qui n'ont pas le choix. Si seulement on les écoutait un petit peu. Alors, la fermeture des maisons closes, vous pouvez en parler puisque vous les avez connues de l'intérieur et à l'intérieur en Allemagne. Maisons closes, c'est en France par exemple. Comme je le disais, ma curiosité première, c'était quand même cette littérature qui parlait beaucoup des maisons closes, hein, qui est un endroit chez nous absolument légendaire, à tel point que mes clients allemands n'arrivaient pas à croire que ça n'existait plus en France. C'était vraiment invraisemblable pour eux. Et moi, c'était vraiment cet objet-là qui m'intéressait. C'était pas la prostitution, c'était la maison close. Et je ne milite absolument pas pour la réouverture des maisons closes en France, parce que je crois que la maison close est un contexte qui convient à certaines et pas du tout à d'autres. Simplement, je ne fait pas non plus l'apologie du système allemand qui est bourré de choses qui ne vont absolument pas du tout, mais je crois qu'il est très important de rediscuter en tout cas d'une décriminalisation et d'une potentielle rouverture d'établissements comme ceux-ci qui offrent quand même une certaine sécurité aux femmes à partir du moment où on offre aux femmes et aux hommes d'ailleurs qui veulent y travailler la possibilité de gérer eux-mêmes cet endroit sans que l'État vienne y mettre le nez. Et pénaliser les clients? Enfin, c'est une méthode en France, notamment. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est de l'hypocrisie complète, parce que quand on pénalise le client, quand on empêche les hommes de proposer quelque chose à une femme et qu'on empêche à une femme de faire sa publicité, alors ça reste de la pénalisation des femmes. Mais c'est une hypocrisie complète. Et d'ailleurs, ce système suédois dont on nous rebat les oreilles, j'avais un bon 50% de clients qui étaient suédois et qui venaient au bordel en Allemagne parce qu'il n'y en a pas chez eux. Donc on ne fait jamais que déplacer le problème, une manière de se laver les mains en disant maintenant c'est les autres qui ont un problème moral, mais pas nous. Donc au bout d'un moment, je trouve que ça, c'est quand même un petit peu stérile. Votre livre La Maison va sortir en Allemagne en septembre 2020. Vous vous attendez à de nouvelles critiques, à incompréhension? Comment vous y préparez? Ah, mais je sais que ça va être complètement différent en Allemagne parce que chez eux c'est un sujet de société et que effectivement la loi est en train de rétrograder. Je vais effectivement très curieuse de savoir comment ça va se passer, mais j'ai beaucoup d'alliés aussi en Allemagne, des collègues et des femmes qui comprennent ce que je veux dire et qui comprennent que je ne fais pas une apologie de la prostitution. Il ne vous reste 15 secondes pour répondre, si vous le voulez, à cette question. Que faites-vous en ce moment? Vous écrivez un autre livre? J'aimerais bien écrire. Vous êtes écrivaine, quand même. Je suis encore, je le suis pas encore. Quand même, vous êtes écrivaine. Voilà. J'ai beaucoup d'idées, mais pour le moment, je ne sais pas encore. Je me repose. Bon, bon repos. Merci. Profitez-en, merci en tout cas d'être passé nous voir. Je rappelle que vous vivez à Berlin, que vous êtes là à Paris, que vous avez fait le détour par ce studio d'Affaires Sensibles. Soyez-en remerciés. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Marc Richard, Le Destin des Maisons Closes. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page France Inter du site, la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour tout renseignement complémentaire à cette émission. Je vais y arriver. Merci et à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui.